Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, le Secours Populaire Français, association de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en France et dans le monde, avec Philippe Gillin, secrétaire général de la Fédération de Meurthe-et-Moselle du Secours Populaire Français. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Philippe Gillin. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer simplement en vous demandant de nous présenter le Secours Populaire Français et son projet. Alors, le Secours Populaire Français, c'est une association nationale qui existe depuis 1945 sous son appellation Secours Populaire Français, même si historiquement il existe depuis les années 20. Donc son objectif principal, c'est l'entraide aux personnes en difficulté, quelles qu'elles soient. Et surtout, c'est à travers les bénévoles à apprendre la solidarité. C'est une mission donc de solidarité. De solidarité, tout à fait. Et y en a-t-il d'autres à partir de cet objectif de solidarité? Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens viennent chez nous, alors généralement ils viennent chez nous quand ils sont en difficulté, où on essaye de les avoir aussi à travers des travailleurs sociaux qui nous envoient des gens en difficulté, parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui est en difficulté de montrer sa difficulté. Mais une fois qu'ils sont chez nous, notre principal objectif, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent le plus rapidement autonomes possible à travers toutes les activités ou toutes les actions que l'on peut mener avec eux, donc on va les aider au mieux qu'on peut. Si c'est de l'aide alimentaire, on va leur donner de l'aide alimentaire, si, etc. Mais par contre, si ils ont besoin de logement, on va les diriger vers des associations qui vont bien, qui vont faire le travail mieux que nous. S'ils ont besoin de santé, ben là par contre, on va pouvoir les accueillir, etc. Et puis, on va aussi développer un certain nombre d'actions. C'est-à-dire qu'on va essayer de les faire en sorte... Quelles sont-elles, par exemple? Alors, par exemple, on va envoyer des familles en vacances, des familles qui n'ont jamais été en vacances. On va envoyer des enfants en vacances à travers les colonies. On va en faire aussi la journée des oubliés des vacances. Donc, la journée des oubliés des vacances, c'est quelque chose qui existe depuis tout le temps. Et ça permet à des enfants, mais aussi à des familles, de partir une journée en vacances quelque part. Et donc, en fait, à travers ça, il y a toujours une participation. Les gens participent un peu parce qu'il faut qu'ils se sentent... Qu'ils se sentent accompagnés par le Secours Populaire. Oui. Voilà, donc, et à travers ça, qu'ils deviennent autonomes et qu'ils se gèrent aussi quelque part eux-mêmes et puis qu'ils apprennent un certain nombre de choses, quoi. Donc, finalement, des actions multiples dans de domaines multiples. Oui, tout à fait. Et où est-ce qu'on peut vous trouver à Nancy? Alors, à Nancy, il y a l'adresse du siège social qui est 3 rue du Charmois à Nancy, mais principalement, c'est au 100 avenue du Général Leclerc. Donc ça s'appelle l'étoile, puisqu'en fait c'est dans un bâtiment qui ressemble à une étoile, et en bas il y a toutes les activités, donc les gens qui viennent nous voir, ils viennent déjà à l'accueil, c'est-à-dire qu'on les reçoit, et on essaye de comprendre un petit peu leurs besoins, quels sont leurs soucis, quelles sont leurs motivations, de quoi ils ont besoin exactement. Donc on reçoit un peu toutes les personnes, on reçoit des familles, on reçoit des étudiants aussi beaucoup. Et donc, à travers ça, on essaye à travers l'accueil de détecter un petit peu ce dont ils ont besoin. Et là, on va remplir un dossier. S'ils ont besoin d'aide alimentaire, on va les inscrire et ils vont suivre une procédure pour avoir de l'aide alimentaire. Mais on peut aussi recevoir, si c'est une maman avec un petit enfant, aller à la petite enfance et aider cette maman en lui donnant du lait de premier rage ou des couches ou des choses comme ça. Et puis derrière aussi, les diriger vers des endroits où ils ont besoin. Ils vont pouvoir aussi devenir plus autonomes. Et si on veut... entrer dans le bénévolat au Secours Populaire, est-ce que c'est possible de naturellement? Bien sûr. Alors, dans vos locaux, plusieurs possibilités. On vient directement à nos locaux, on va sur le site internet du Secours Populaire qui s'appelle SPF 54, on fait acte de candidature, on est reçu, on voit un petit peu les motivations, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont aussi des accueillis, c'est-à-dire que ça leur permet d'avoir à nouveau un lien social à ces personnes-là, et donc rapidement elles vont participer, être bénévole avec nous. Donc on peut s'inscrire à travers le site et derrière on reçoit, on voit ce qu'on veut faire et on met un petit peu les gens où déjà ça leur plaît d'être et où on a besoin de monde, quoi. Et comment fonctionne le Secours Populaire? Vous avez des bénévoles? Est-ce que vous avez des salariés? Alors au niveau de la Fédération de Meurthe-et-Moselle, on a deux salariés et une personne qui est en temps partiel dans une entreprise, qui est, pour ne pas la nommer, qui est Orange, et qui permet à certains de ses salariés de partir 2-3 ans dans un cadre de bénévolat d'un des associations. Donc deux salariés et un contrat aidé, on va dire. D'accord. Et dans votre action, est-ce que vous travaillez en lien avec d'autres associations, à la fois sur Nancy, mais aussi à l'international, puisque le Secours Populaire Français est aussi une association d'aide internationale. Tout à fait. Alors, bien sûr, sur Nancy et sa région, on travaille avec l'ensemble des acteurs de la solidarité. Mmh. C'est quand on est dans le besoin, on n'est pas en train de regarder qui est quoi, hein, c'est l'objectif. Donc on travaille avec l'ensemble des acteurs de la solidarité, quels qu'ils soient. Et au niveau international, donc on a des actions. Alors, principalement au niveau de la Meurthe-et-Moselle, on travaille avec trois pays parce qu'on a trois associations avec qui on travaille. C'est au niveau du Maroc, du Mali et de Madagascar. Alors le Madagascar, moi je connais bien parce que je fais partie d'une ONG malgache qui permet de préscolariser aujourd'hui sur les hauts plateaux malgaches 10 000 enfants. Et donc le Secours Populaire est parrain d'un village à Madagascar, d'un des 450 villages que gère cette association malgache. Et donc on travaille comme ça au niveau international. On participe aussi au marché du monde solidaire qui a lieu au mois de novembre dans les locaux du Conseil Général ici à Nancy. Est-ce que vous pourriez donner le nom de cette ONG malgache ? Vozama. Vozama, ça veut dire sauve. Alors, je ne vais pas parler en malgache parce que je n'ai pas l'accent malgache, mais ça veut dire sauvons les enfants malgaches. D'accord. Donc en fait, le Secours Populaire, c'est une association de solidarité, mais dans vraiment beaucoup de domaines. Tout à fait. Que ça dépasse le cadre alimentaire. Ah, tout à fait. C'est aussi. C'est de l'éducation populaire, on va dire, au sens noble du terme. C'est-à-dire par là, on veut dire qu'on rend les gens autonomes et en leur apprenant un certain nombre de choses, en les envoyant en vacances avec nous, ils viennent en vacances, en leur offrant des spectacles moins chers, de qualité. Voilà, il y a toute cette éducation pour essayer de sortir un petit peu ces gens-là de la galère dans laquelle ils sont. Parce que c'est compliqué. En quelque sorte, le tuteur de ces personnes qui peuvent ouais, être c'est en une, difficulté. C'est une bonne explication, oui. De quoi accompagner sans normer. Et à propos de vous maintenant, Philippe Gillin, je voudrais savoir pourquoi et comment vous décidé à vous engager et pourquoi au Secours Populaire ? Alors, disons que moi j'ai toujours été dans mes entreprises où j'ai été très engagé socialement, quoi, alors que ce soit syndicalement, mais pas que. Je suis aussi très engagé sur l'environnement parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde très compliqué et si on réagit pas aujourd'hui on va plutôt à la catastrophe. Alors c'est pas pour moi, c'est plutôt pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc j'ai toujours senti ce besoin de travailler dans ce monde-là, dans ce monde de la solidarité, de l'environnement, parce que pour moi ça va de pair. Et donc le Secours Populaire, pourquoi le Secours Populaire ? Bah parce qu'en fait c'est une organisation laïque, donc pour moi la laïcité c'est essentiel. Pour moi la laïcité ça veut dire croire en quelque chose mais en respectant ce que les autres y croient, sans essayer de comprendre et sans essayer de critiquer ce en quoi ils croient. Donc c'est essentiel. Finalement pour vous, la porte d'entrée vers le Secours Populaire a été la laïcité, tout à fait, dans la mesure où elle permet un dialogue et un rassemblement entre personnes de toutes origines. De toutes origines, de toutes religions, exactement, tout à fait. Et en quoi consiste votre travail au Secours Populaire ? Alors, ça fait 3 ans que je suis au Secours Populaire, donc j'ai commencé, moi j'ai voulu faire tout, hein, enfin ce qui était ici. Donc mon premier métier, enfin mon métier entre guillemets, c'était, en fait j'étais chauffeur manutentionnaire, donc j'allais à l'entrepôt, je livrais l'alimentation au local du général Leclerc, là, où j'allais au vestiaire, puisqu'on a des vestiaires aussi, donc voilà. Donc ce qui me permettait en même temps de voir énormément de bénévoles, donc de discuter avec eux, d'être avec eux. Donc ça, c'était le premier travail. Et puis maintenant, depuis que j'ai été élu secrétaire général depuis le 4 juin, puisque Michel, malheureusement, notre collègue, étant malade, a préféré passer la main. Donc mon travail, c'est au niveau secrétaire général de la Fédération de Meurthe-et-Moselle, c'est de faire qu'en sorte les valeurs du Secours Populaire, c'est-à-dire ce que j'ai dit au départ, la solidarité, l'entraide, soient appliquées au quotidien. Et à quelles actions avez-vous participé? Vous en avez déjà détaillé quelques-unes. Et lesquelles vous ont le plus marqué, au sens où vous ont apporté des expériences nouvelles? Alors bon, je l'ai dit, un chauffeur manutentionnaire, ça apporte de l'expérience parce que je vois à peu près les jeudis matins et les vendredis matins, à peu près entre 50 et 60 bénévoles, plus les personnes qui sont accueillies. Donc ça me permet de tisser des liens sociaux particuliers. Mais il y en a une qui me tient à cœur parce que ça a plutôt bien fonctionné cette année. On fait tous les ans à Pâques la chasse aux œufs. La chasse aux œufs, on met des œufs dans le jardin Richard Pouille à Vendeuvre, qui nous est prêté gracieusement par la mairie de Vendeuvre. Donc on met des œufs et les gamins du quartier viennent chasser les œufs, moyennant un petit pécule financier. Et ce pécule financier est reversé intégralement, comme j'ai dit tout à l'heure, aux associations donc au Mali et à Madagascar, puisque la chasse aux œufs, c'est à but sur l'international. Donc, et on a vu cette année, il y avait plus de 300 gosses qui sont venus, il faisait beau, alors c'était bien, les parents et tout ça, c'était assez extraordinaire, il y avait une communion assez formidable, quoi. Et sur la Meurthe-et-Moselle, vous avez parlé du vestiaire, comment se passent par exemple les campagnes alimentaires, ces campagnes-là, comment se déroulent-elles? Comment entrez-vous en contact avec les gens qui sont dans le besoin? Est-ce qu'ils viennent à vous ou est-ce que c'est vous qui les percevez? Alors, en partie, ils viennent à nous de leur propre chef, on va dire, ou certains sont envoyés par des travailleurs sociaux. Mais aussi, c'est les deux façons pour lesquelles ils viennent. Donc, ils sont accueillis. Comme je disais tout à l'heure, on détaille un petit peu leur dossier et ils sont inscrits. Et après, une fois par mois, ici sur Nancy, ils viennent pendant un an. Parce qu'au bout d'un an, on estime qu'on doit essayer de renouveler un petit peu. Et ils doivent, justement, par l'éducation populaire qu'on a pu leur amener, on espère qu'ils ont réussi à devenir un petit peu plus autonomes les uns les autres. Et donc, au bout d'un an, on arrête cette aide alimentaire. Mais voilà un petit peu comment que ça se passe. Alors, il faut savoir que ça se passe donc ici à Nancy, mais aussi à Neuve-Maisons, à Pompey, à Custine, à Jarny dans le nord du département et à Mont-Saint-Martin et à Pienne. Voilà. C'est-à-dire que et à Vézelise aussi. Ouais, le secours populaire a essaimé finalement et a réussi à avoir un maillage finalement. Voilà, tout à fait. Et avant d'être secrétaire général, vous étiez donc bénévole. Oui, chauffeur manutentionnaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'est par ces liens que vous avez décidé de poursuivre l'aventure. Oui, bien sûr, puisque voilà, Michel voulant arrêter, il fallait trouver un successeur. Moi, j'avais envie de m'investir. Je trouve que c'est quelque chose de noble. Donc, j'ai proposé ma candidature et j'ai été retenu. Donc, mon objectif maintenant, c'est de continuer à faire passer les valeurs du secours populaire, ça c'est sûr. Eh bien, justement, Philippe Gillin, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, je souhaitais vous demander, pour conclure, qu'est-ce que l'engagement pour vous? Vous nous avez beaucoup parlé des valeurs du secours populaire, de laïcité. Qu'est-ce que c'est que l'engagement pour vous? L'engagement, c'est avoir du plaisir à aider les autres, quoi. Je veux dire, avoir du plaisir à un monde solidaire, on va dire. Là, c'est ça qui me fait vivre, quoi. Et quelle est la place des valeurs dans le plaisir dont vous parlez? La place des valeurs, quelles valeurs par exemple? Vous avez parlé de laïcité par exemple. Oui, ça c'est important. C'est important parce que en fait, pour moi, on croit ou on ne croit pas, mais ce qui est important, c'est respecter les autres, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est essentiel. Au fond, lorsque l'on s'engage avec sincérité, les valeurs s'effacent devant l'humain. J'espère, oui. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai toujours senti ça comme ça. Oui, j'espère, oui. Eh bien, c'est un formidable message que vous venez de nous donner là, Philippe Gillin. Et je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était Donner de la Voix sur Fadjet. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. Merci beaucoup. Merci à vous. Donner de la Voix sur Fadjet, présenté par Augustin.